Et je chante dans mon cœur, mon Dieu, papa, mon roi, tu es bon pour moi. Et chaque nuit, je ne fais que constater ta fidélité. Mon Dieu, tu es bon. Jésus, je te louerai, te chanterai de tout mon cœur, mon âme, mon esprit. Car tu as fait des grandes choses dans ma vie. Je chanterai ton saint nom au milieu de ton peuple. Reçois la gloire. Assis sur ton trône de gloire, nous te chantons, majesté. Majesté, oh, majesté, Ozanzambe, Ozanzambe, Yahweh. Mon aimé, Ozanzambe, Nangou.